Cette édition du Undead Incorporated Show Réanimation, je vous ai concocté une programmation qui survole certains styles de métal importants, tels que la polka, le disco, le country, l'emo, la pop et le baroque. Et comme c'est la dernière émission du mois, il y aura présentation de l'album marquant qui, ce mois-ci, sera La cuisinière de la Bolduc. Aussi l'exploration d'une nouveauté qui se portera sur le nouvel album de Bruno Mars, 24 Key Magic. J'espère qu'il n'y aura pas de suite. Je vous promets une très belle émission qui sera d'une violence légendaire sur les ondes radiophoniques. Mais pas pour les bonnes raisons. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il perd l'esprit, esprit qu'il n'avait pas initialement. Ce qui signifie qu'il n'est plus question de démence ici, mais bien d'un cas de possession diabolique. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause hi, Pendragon said so. Et pour débuter cette émission, voici les maîtres de la polka progressive. Go! informations, visitez cifou.ca. 89.1. Patriotes en action. Pour l'actualité sportive universitaire et amateur, les jeudis matins à 11h sur les ondes de CIFU. Paraît qu'il y a autre chose à faire qu'écouter nostalgiquement l'hymne national soviétique en attendant le grand soir ou que le PQ redevienne un parti de gauche. Ah ouais? Comme quoi? Comme écouter, la sortie de secours est à votre gauche, les lundis 11h, sur les ondes de CIFU 89.1. Huit ans après la sortie originale de l'album Monstre, Extérieur présente sa réédition. Oreilles avec les 33 chansons du complot, de la trappe et de feu vol vandalisme. Gros magasin, disquaire indépendant, plateforme de download, streaming, tu peux entendre la trilogie de l'album Monstre au complet maintenant. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cifou.ca. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, dernière de novembre du mois des morts, en ce 29 de l'an de disgrâce 2016. Je suis le Dr. Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Avant cette pause publicitaire, on a entendu le bloc d'ouverture de cette édition qui était constitué de uniquement deux pièces, mais quand même pour plus de 17 minutes. À l'instant, formation montréalaise Gorguts, une pièce tirée de leur dernier album studio complet, soit Colored Sands, qui est paru en 2013 et précisément le 30 août 2013. La pièce est un Ocean of Wisdom, un océan de sagesse, ce qui me représente parfaitement. Je dis le dernier album studio complet parce que évidemment, cette année, ils ont produit un mini-album, un EP, qui, quand même, comporte une seule pièce, mais de presque 33 minutes. Donc, ça peut être considéré pour bien des gros comme être un album complet. Juste avant, nous avions Hopef, bien sûr, de la Suède, et une pièce tirée de leur quatrième album, Still Life, soit Godhead's Lament, qui est paru sur Peaceville Records. Formation, bien entendu, que je ne crois plus qu'on a besoin de la présenter, mais je vais le faire quand même. Formation suédoise, comme je l'ai dit, de Stockholm, qui met en vedette, entre autres, ce petit génie de la musique, je dirais, et de la conception générale musicale, soit Michael Åkerfeldt. Et c'est évidemment, c'était une période encore où ils étaient beaucoup plus axés sur le death metal à tendance progressive. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus rock progressif. Mais je dois dire honnêtement que j'aime beaucoup cette période. Et probablement plus que la période qui a... je dirais précédé Heritage, quoique celui-là déjà commençait à dénoter certaines tendances vers le choix d'orientation musicale de Åkerfeldt et de ses comparses vers une musique qui est plus inspirée des années 70, musique que j'aime énormément. Par contre, j'aimais la forme de Hopef initiale, c'est pas ça. quand même. On peut aller chercher jusqu'à Watershed facilement pour avoir quelque chose d'assez gras, là. Bref, c'était les deux seules pièces de ce bloc d'ouverture. Ce soir, c'est la dernière émission du mois de novembre. La dernière émission du mois, et du mois de novembre à l'occurrence. Donc, c'est la présentation de l'album marquant qui, ce mois-ci, s'arrêtera à Fear Factory et non... et non... Je me rappelle même plus du titre, je vais aller voir. Et non pas la cuisinière de la Bolduc. Je sais pas où est-ce que je vais chercher ça, moi. Et il y aura une présentation de nouveautés qui, non, ça ne sera pas non plus Bruno Mars. Définitivement pas. Plutôt une formation des Pays-Bas. Soulburn qui donne dans un black and death metal. Donc, on est un petit peu loin de Bruno Mars. Puis, il faudrait rester autant que faire se peut. On va y aller cette fois-ci avec un bloc qui c'est un peu hétéroclite d'une certaine façon. J'ai fait une émission assez bizarre, moi, cette semaine. Ben, ça me ressemble, finalement. Dans lequel on va entendre du crossover des années 80, mais aussi du crossover de cette année, avec Population Control. On va entendre aussi un groupe qui grind un petit peu plus... en Terrorizer, mais on va débuter tout de suite avec effectivement, je dirais certainement un groupe parmi les instigateurs du crossover des années 80, Nuclear Assault, formation new-yorkaise. On va débuter tout de suite avec Cold Steel, c'est tiré de leur premier album Game Over. Here we go! You wanna get down? nations, destined merchants, blood. Former saints, decorated the youth and gods. Former glorious from hell. The mystic birds, evil and a fell. They are glorious. They are glorious. They are glorious. They are glorious. Choice, it's just your past for me. As it was. Terrorizer. Formation de Los Angeles. Leur troisième ou quatrième. C'est le dernier qu'ils ont fait. Je vais vérifier. Effectivement, le troisième qui a été fait en 2012, soit le 24 février 2012. C'est la formation, bien entendu, qui est originalement de Pete Commando Sandoval, le batteur et l'ex-batteur de Morbid Angel, celui qui a fait le groupe de façon le plus significative, si on veut, auquel s'est greffé par le passé différents musiciens, tels entre autres Jesse Pintado, défunt guitariste de la scène métal, aussi de Napalm Death, Katana Culture, une guitariste qui est d'ailleurs sur cet album Hordes of Zombie. Il y a même eu à un certain moment donné, vais-je le dire, j'ai un blanc de mémoire imbécile présentement. Ah, quelle horreur! Mais quelle horreur! Je vais le retrouver. Je vais le retrouver, certainement. C'est incroyable, j'en reviens pas. Ça se peut pas. Le chanteur bassiste de Morbid Angel. Bon, ça va me revenir. Anyway, c'est pas grave. Terrorizer, la pièce Hordes of Zombies, qui est la pièce titre de ce troisième et dernier album paru en 2012 sur Season of Mist. Je peux pas croire que j'ai un blanc de mémoire comme ça. Voyons, aidez-moi, là, quelque part, là. Je sais pas, là. Non, aidez-moi pas, non. Faut que je le trouve. Ça m'achale beaucoup trop. Beaucoup trop. Je vais vraiment le trouver, hein. Je vous le promets. David Vincent, voilà. Bon, enfin. Hey, ça se peut pas, ça. Bon, toujours est-il que juste avant, nous avions formation de l'Oregon, soit Toxic Holocaust et la pièce Acid Fuzz, tirée de Chemistry of Consciousness, leur cinquième album paru en 2013 sur Relapse. Nous avions auparavant Population Control, une formation qui vient du Wisconsin. Et la pièce titre de cet album, qui s'appelle, je vous laisse deviner, Population Control, qui est paru en février dernier sur, de façon indépendante, c'était leur deuxième. Debauchery, formation allemande, et la pièce Ironclad, Declaration of War, qui est tirée sur le neuvième album Fuck Humanity, qui est paru en 2015 sur Massacre Records. Et nous avons ouvert avec les New Yorkais de Nuclear Assault et la pièce Cold Steel, qui est tirée de leur premier album Game Over de 1986, qui était sous étiquette Combat. Et c'est encore mon préféré, et de loin, en ce qui concerne Nuclear Assault. J'aurais quasiment le goût de vous dire que oui, je pense qu'on va passer l'album marquant immédiatement, l'album marquant du mois, qui, cette fois-ci, s'adresse à la formation Fear Factory, formation qui vient de Los Angeles, et leur deuxième album, The Manufacture, qui est paru en 1995 sur Roadrunner, qui marquait le début de leur tendance cybernétique, puisque le premier album, Soul of a New Machine, était beaucoup plus dans la veine traditionnelle du death metal, très growl. Avec des manufacturers sont arrivés avec des éléments qui étaient effectivement plus machine entre guillemets, avec une sonorité comme je l'ai dit plus cybernétique, avec des contrastes de voix de Burton Seabell qui étaient aussi très démarqués, et je dois dire très bien aussi, parce que Burton a une bonne voix métal autant dans le growl qu'il a une très bonne voix dans les plus hautes sphères de son registre vocal. Donc, ça a fait un album qui, pour moi, dès le départ, la première écoute m'a complètement, subjugué. J'ai apprécié énormément cet album. Je l'apprécie encore tout autant aujourd'hui, 21 ans plus tard, bientôt 22. Je vous propose d'aller écouter ce qui pourrait ressembler à la face A, si on veut, de cet album de Manufacture, les cinq premières pièces qui seront dans l'ordre de Manufacture, les pièces titres, Self Bias Resistor, qui à ce jour est toujours ma préférée, Zero Signal, Replica et New Breed. This is Fear Factory. Thank you.

Chers partenaires de la radio CIFOU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan présente plusieurs événements culturels en Mauricie. Tu es passionné? Tu aimes quand ça bouge? Pour savoir tout ce qui se passe et où ça se passe, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui, la chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. Huit ans après la sortie originale de l'album Monstre, Extérieur présente sa réédition. Dans tes oreilles avec les 33 chansons du complot, de la trappe et de Feu vol vandalisme. Gros magasin, disquaire indépendant, plateforme de download, streaming, tu peux entendre la trilogie de l'album Monstre au complet maintenant. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! 20h14, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Avant la pause publicitaire, on a entendu la portion de cet album marquant mensuel, soit Fear Factory et The Manufacture, album paru en 1995 sous étiquette Roadrunner Records. On a entendu les pièces, les cinq premières pièces de l'album, soit New Breed, précédé de Replica, Zero Signal, Self-Bias Resistor et en ouverture des Manufacture, la pièce titre de cet album qui, ma foi, est, en ce cas, selon moi, est toujours considéré comme un album très, très d'actualité et tout aussi intéressant à écouter. Fear Factory qui a vu le jour en 1990 à Los Angeles. Initialement en 89, pendant une courte année sous le nom de Ulceration, pour reprendre le nom rapidement de Fear Factory jusqu'à ce jour. Originalement composé de Burton Seabell au vocal, Dino Cazares à la guitare, Christian Aldewalbers à la basse et de Ramon Herrera à la batterie. Ils ont été remplacés, ces deux derniers, soit Herrera et Walbers en 2005, je crois, si je ne m'abuse, après la parution de Archetype, si je ne m'abuse, je vais vérifier pour être certain. Ben, en fait, c'est Dino Cazares qui était parti en 2004 pour l'album Archetype. Il est parti pendant 7 ans, alors que Aldewalbers et Herrera étaient toujours présents. Ce fut les derniers albums avec qui ces deux derniers ont joué sous le nom de Fear Factory. À cette époque-là, Christian Aldewalbers faisait aussi la guitare et la basse. Il est devenu même guitariste à certains moments donnés. On a vu des musiciens se succéder au niveau de Fear Factory, comme entre autres Gene Oglin à la batterie. Et la seule fois que j'ai vu Fear Factory en spectacle, c'était avec Gene Oglin. C'est assez impressionnant, je dois dire. Et aujourd'hui, bien, c'est Tony Campos qui est à la basse depuis 2015. C'est un ex Cavalera Conspiracy, entre autres. C'est un ex aussi Ministry, Prong, Soulfly et aussi Possess, mais bien sûr au niveau des spectacles, parce qu'il n'y a plus d'enregistrement studio au niveau de Possess proprement dit. Formation que j'ai toujours beaucoup aimé, que j'aime encore tout autant aujourd'hui. Fear Factory, c'est probablement le groupe qui s'est le plus illustré mondialement, je parle bien entendu au niveau de ce qui est le cyber metal. Et influencé, je dois le dire, certainement par formation Frontline Assembly, formation initialement canadienne, maintenant américaine, qui, elle, a toujours œuvré dans ce qui était l'électro-industriel. Je me rappelle même d'avoir lu à un certain moment donné une petite entrevue avec Burton Seabell qui disait que cet aspect cybernétique et machine, il l'avait pas nécessairement adopté en découvrant Fear Factory à l'époque, Fear Factory Frontal Assembly, mais que ça l'avait fortement influencé. Voilà, pour reprendre les mots du Rockmaster, j'espère que ça vous a plu, parce que moi, oui. Si on parlait un peu cinéma, tiens, ben, on va parler musique aussi, on va être dans la même idée. Je perds tous mes papiers, toutes mes notes sont disparues, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec ça, je me demande où c'est passé. Ah, ben oui, voilà. Ouais, tu peux bien rire, toi. Tu t'es maudit, Horace. C'est lui qui me cache toutes mes notes, là, que j'ai l'air d'un vrai... De vrai ce que je suis, finalement. Musicalement parlant. J'ai écouté des trucs cette semaine qui étaient des choses nouvelles pour moi, qui, entre autres, m'ont correctement plu ou pas du tout. Je parle, entre autres, de My Darkest Eight, formation allemande de death metal, et l'album Anger Temple qui est paru sur Massacre Report, Records. c'est rien qui casse la baraque en tant que tel, My Darkest Eight. C'est pas très original non plus, ni vraiment percutant. Mais il faut dire une chose, hein, c'est que ça va devenir de plus en plus rare d'avoir cet effet-là là, qui vraiment nous projette au mur, parce que on est à une époque où il y a énormément de groupes qui sortent, qui s'empilent les uns sur les autres, et qui va se ressortir du lot. C'est de plus en plus compliqué pour eux de le faire. Mais de façon objective, c'est le cinquième album. Moi, je les connaissais pas. Mais c'est une formation qui mérite d'avoir une certaine intégration, d'après ce que j'ai pu redécouvrir parce qu'ils ont fait intégrité, parce qu'ils ont fait par le passé. C'est un album qui est, c'est correct. C'est rien à vouloir faire de détour pour écouter. Il y a des choses qui sont plus intéressantes que ça. Mais My Darkest Eight est un album qui se défend. La qualité d'enregistrement est assez bien, la présentation graphique est correcte aussi. Bref, c'est bien comme album, mais un point c'est tout. Un truc que j'ai vraiment moins aimé, pas du tout. C'est une formation qui vient des États-Unis, qui porte le nom de Worm Ouroboros, et je crois que c'est une histoire de vraiment de parasite là, qui porte vraiment ce nom-là, une espèce de verre, je n'ai aucune idée. Qui devrait donner, selon la description, dans un progressive dark doom metal. L'album est What a Graceless Down et c'est paru sur Profound Glory Records que je ne connaissais pas. Ben, c'est toute une surprise d'avoir écouté ça parce qu'il n'y a absolument rien de métal là-dedans. Absolument rien de métal là-dedans, à part que, à l'occasion, par erreur, je suppose, il y a un accord de guitare qui est plaqué avec de la distorsion, mais pour le reste, à peu près, c'est des pièces qui sont longues en plus, qui font, je dirais, une moyenne de 9 minutes facilement par pièce. Tout ce qu'on entend, c'est une fille qui chante, qui a l'air très déprimée. À l'occasion, elle est accompagnée d'un groupe qui flatte des instruments. J'ai trouvé ça très mauvais et vraiment là, très très mauvais. Je ne réécouterai plus jamais ça et j'en passerai encore beaucoup moins à l'émission. Quoique je pourrais en passer à Rock Classique pour punir Alain. Non, je suis pas assez méchant pour ça. Ben oui, je le suis assez, mais j'ai quand même du respect pour lui, donc je ferai jamais ça. Autre truc, par contre, qui a été fort intéressant pour la première écoute, c'est le nouvel album de Witchery, cette formation suédoise qui donne dans un blackened trash speed metal, et l'album In His Infernal Majesty Service, qui est paru sous étiquette Century Media. Et ça, je me le réserve pour la semaine prochaine. Je vais vous le présenter la semaine prochaine, mais je peux vous dire que c'est un des bons albums metal que j'ai entendu cette année. Et là, je m'attarde à la présentation de nouveautés de la semaine. Nouveauté de la semaine, oui! Formation des Pays-Bas qui porte le nom de Soulburn, qui donne dans un Death Black Doom Metal. Je trouve ça tout le temps drôle, l'association de plusieurs styles en même temps. J'imagine c'est parce que tout est saturé, hein. L'album s'appelle Earthless Pagan Spirit. C'est paru sous étiquette Century Media. C'est disponible en CD et en vinyle. Et c'est une belle découverte. C'est un troisième album. Je les découvre avec cet album. C'est néerlandais de Soulburn. Il y a effectivement un aspect black dans leur musique, mais qui ne me contrarie pas du tout parce qu'elle est quand même relativement subtile et bien dosée. C'est un heureux mélange de lourd et de plus mouvementé à travers l'album. La production est correcte, mais c'est peut-être le point que je lui reproche, le point faible que je lui reproche le plus. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un album qui est très, très correct. Suffisamment pour vous en présenter trois pièces qui sont relativement longues. On parle d'environ 5 minutes 30 chacune, ou à peu près. Donc, je vais vous présenter dans l'ordre « Where Splendid Corpses Are Towering Towards the Sun ». Ça va être suivi de As Cold As Heaven Slain et on va conclure ce bloc de trois pièces de Soulburn avec Wuthering Heights. Let's go! Stick and stone. C'est fou. Vous êtes dans la zone 89.1. La radio CIFU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça se brasse? Pour savoir d'où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Vous êtes geek et vous vous assumez? Le Mathieu Planchon aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchon avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Juste avant la pause, on a eu la formation néerlandaise Soulburn et trois pièces tirées de leur plus récent album Heartless Pagan Spirit, paru sur Century Media il y a 3 minutes. Non, j'en ai aucune idée. C'est le 18 novembre, voilà. Trois pièces qui étaient Wuthering Nights, oui, ben je le dis, ça doit être encore Horace qui me cache mes affaires. Là. Précédé de As Cold as Heaven Slains et en ouverture de bloc Where Splendid Corpses Are Towering Towards the Sun. Tout un titre. Un troisième album. Et c'est minimaliste, oui, on s'entend, il n'y a rien d'extravagant là-dedans ni d'extraordinaire, mais je trouve que ça fait le travail. Il y a un petit côté, oui, on ressent le côté black, évidemment. Il y a peut-être la voix féminine qui me tape un peu sur les nerfs à un certain moment donné, mais ça s'écoute quand même correctement et puis c'est intéressant. La semaine prochaine, je vous propose la nouvelle parution des Suédois de Witchery, l'album In His Infernal Majesty Service, qui est paru sur Century Media. Très bon album. Je vous parle un peu de sur le tard, mais quand même de cinéma et de séries télévision. Ce vendredi 2 décembre, c'est la sortie de la production Incarnate, un film d'horreur à connotation de possession. Les previews ont l'air corrects, mais j'en sais pas plus, parce que le réalisateur Brad Peyton a fait des films relativement ordinaires, dans ce que j'ai pu voir dans sa filmographie. Ben bon, c'est à suivre. En ce qui concerne la saison 1 de la série The Exorcist, qui est bien sûr une série d'horreur aussi et de possession, de Jeremy Slater, eh bien, je dois dire que, rendu à peu près à la moitié de la série, je suis fort content d'avoir découvert cette production télévisée de Fox. C'est vraiment bien. Ça s'inspire du film culte, bien sûr, L'Exorciste de 1973, mais amené de façon, je dirais, actuelle. C'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. C'est une bonne série. Puis on nous amène là, où on ne s'attend pas à aller. Donc, je vous la recommande, The Exorcist saison 1 de Jeremy Slater avec Alfonso Herrera, Ben Daniels et Anna Kasulka. Et aussi, et j'oublie toujours son nom. Ah, putain, c'est quoi déjà son nom? Cette actrice-là que j'ai eu un certain mal à reconnaître parce qu'elle a relativement... Gina Davis, voilà, c'est Gina Davis, effectivement, qui a un rôle quand même assez important dans la série. Autre truc que j'ai écouté, ben, c'est un film biopic comme connotation dramatique et sportive, c'est Hands of Stone, qui raconte la carrière du boxeur panaméen Roberto Duran. Moi, je suis pas un amateur de boxe, là, mais pas du tout, là. Mais il reste que le film est très bien amené et c'est très bien interprété. Et ça me fait renouer un petit peu avec Robert De Niro, qui, dans les derniers rôles qu'il avait occupés, était assez moyen, merci. Mais ici, il se débrouille très bien dans le rôle de l'entraîneur de Roberto Duran. Hands of Stone, c'est un bon film. Les combats sont assez prenants, je dois dire ça. Un remake, oui, j'avais vraiment envie de le voir, ce remake-là, parce que je me suis dit, on s'attaque à quelque chose de gros, on s'attaque à un chef-d'œuvre cinématographique, c'est Ben-Hur, qui est un peplum, bien entendu, un film d'aventure et d'action, et d'une certaine façon historique, qui met en vedette Jack Huston, Morgan Freeman et Toby Kebbell. C'est un film de Timur Bekmambetov, que je ne connaissais pas du tout. Ben, ce qu'il faut savoir avec ce remake de Ben-Hur, c'est que, comme je l'ai dit, on s'attaque à un chef-d'œuvre du cinéma de 1959, une fresque cinématographique qui mettait en vedette Charlton Heston, entre autres, et Stephen Boyd. C'est difficile et c'est hasardeux de le faire, de s'attaquer à un aussi grand succès que ce classique. Et ça a été fait avec, je dirais, relativement d'humilité et de façon correcte. On reprend un film de 3h32 minutes et on le ramène à 2h, ce qui signifie qu'il y a eu plusieurs, je dirais, ablations de sections peut-être qui étaient peut-être moins importantes au niveau des faits saillants du film, mais qui quand même auraient eu intérêt à être un petit peu plus long. Mais c'est correct, c'est très spectaculaire au niveau des reconstitutions de la Rome antique et de cette époque... de l'époque de Jésus, finalement, qu'on voit. Et je peux pas vous dire si c'est le vrai, par contre, là. ben, c'est correct. La course de char de la fin est assez spectaculaire aussi. Donc, Ben-Hur, c'est un film qui est assez distrayant, je dois le dire. Est-ce que ça donne le goût de le revoir? Ça, je suis moins certain, par contre. Autre film d'action qui met en vedette Jason Statham et Jessica Alba, ainsi que le très vieux momifié Tommy Lee Jones... parce que dans ce film-là, il est vraiment affreux. Mechanic Resurrection, c'est un film d'action. C'est sans prétention, c'est simplement de l'action pour se divertir avec des cascades qui sont assez impressionnantes par bout, je dois dire. Et comme le disait si bien Jason Statham, je fais des films qui sont simplement du divertissement. Et ça fait le travail. Donne pas le goût de le revoir, effectivement, mais ça donne un moment de cinéma divertissant. Voilà. Jason Bourne. Film d'action également avec Matt Damon, Tommy Lee Jones encore une fois, mais moins pire ici. Ça, j'ai trouvé ça très très froid, très ça m'a laissé indifférent. Non, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon film non plus. Puis je l'aurais pas vu, ça aurait fait pareil. Jason Bourne, j'ai trouvé ça très ordinaire. Par contre, le film que je m'attendais le moins d'être rigolo, c'est bien 100 Degrees Below Zero, qui est un film de science-fiction et d'action qui met Jeff Fahey et Sarah McLachlan, que je ne connais pas, en vedette dans un film de catastrophe qui raconte les histoires d'éruptions volcaniques. Voici, il y a beaucoup d'histoires autour des éruptions volcaniques. Non, mais ce sont des éruptions volcaniques qui s'abattent sur l'Europe et font disparaître le soleil. Ben, en fait, les rayons du soleil, bien sûr. Et ça crée un retour vers l'ère glaciaire en Europe et principalement, ça se passe en France, là où des jeunes adultes en voyage et supposément en études devraient venir se faire récupérer par leur père qui est pilote d'avion et il ne peut pas. Ah, oh, ben, c'est tellement ridicule que ça en est super drôle par moment. Ma blonde et moi avons reculé certains bouts à quelques reprises tellement c'était larmoyant. c'est vraiment un film de série B-. Et je dois dire honnêtement, on rit pas pour les bonnes raisons, mais on rit avec 100 Degrees Below Zero. Voilà. Ce vendredi, n'oubliez pas que dès 10h, si je ne m'abuse, au lieu d'être 11h, ce vendredi, c'est Rock Classic avec le début de la rétrospective 2016 de Rockmaster. On m'a dit qu'il y avait énormément de choses à vous proposer. Je ne fais pas partie de cette rétrospective pour cette année non plus. Je devrais revenir possiblement pour la dernière émission de l'année. J'ai beaucoup de contraintes qui m'empêchent de me joindre à lui. Mais bon, lui va être là, va vous présenter la première partie de sa rétrospective de 2016. Pour les amateurs de métal aussi, si vous vous ennuyez de réanimation, ben n'oubliez pas que vous avez les podcasts sont disponibles sur le réanimationad.com. Toujours les deux derniers mois qui sont disponibles. Et si c'est pas suffisant pour vous, vous voulez écouter du live encore une fois dans la semaine, ben je vous recommande d'aller écouter l'émission Subversion de notre ami DJ Tower of Death sur les ondes de Underground Québec tous les vendredis à 18h30. Pour une heure et des fois 1h30 quand il fait des spéciaux de musique subversive. Et si vous voulez lire des chroniques de mon ancien assistant, ce puant et pestilentiel gobelin, ben chroniques sont fort intéressantes, je dois le dire. Je vous invite à aller consulter le blog de hurlemort.com. Je vous laisse avec deux dernières pièces qui sont des formations canadiennes et floridiennes, soit Aggression et Massacre. Bon, les deux vont bien ensemble, hein? Je pense qu'une agression et un massacre, généralement, l'un pas loin de l'autre. Soit une pièce Aggression, Hall of My Gods, qui est tirée de leur dernier album paru le 10 novembre dernier, soit Fragment Spirit Devils, le troisième sur Extreme Music. Et une pièce de Massacre qui est False Revelation, tirée de Back From Beyond, le troisième album paru en 2014 sur Century Media, et les gens de matière noire s'en viennent à 21h, donc restez sur les ondes de C'est fou. Et d'ici là, bien entendu, fallait tout vous faire foutre, voilà. OK, let's go, see you. Following tales of apples and snakes.